traînait sur Chatroulette. Quand je l'ai rencontrée, elle m'a paru super chouette. Elle était toute épilée. Et depuis cette soirée-là, tous les soirs on se voit. Conversation par webcam. Ah oui, je te veux pour femme. J'aime la façon dont tu te touches. Je caresse très bien tes deux bouches. Oh oui, je suis fou de toi. Je crois bien que je suis amoureux. Oh, je suis dingue de toi. Enfin plus raide que dingue si j'en crois ma queue. Oh oui, je t'aime. Je t'aime. Oh, je t'aime. Je t'aime, ma salope. Oh oui, je suis fou de toi. Je crois bien que je suis amoureux. Oh, je suis dingue de toi. Enfin plus raide que dingue si j'en crois ma queue. Oh oui, je t'aime. Je t'aime. Oh, je t'aime. Je t'aime, ma salope. Oh oui, je suis fou de toi. Je crois bien que je suis amoureux. Oh, je suis dingue de toi. Enfin plus raide que dingue si j'en crois ma queue. Oh oui, je t'aime. Je t'aime. Oh, je t'aime. Je t'aime, ma salope. J'aime la façon dont tu te touches. Je m'inviterai bien dans tes deux bouches. Je t'aime, salope.